Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 11e jour de la première lune de la teinte sanguine de 1131. Il y a quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui vous échappe, dans tout ce qui se passe depuis le début de cette teinte, avant même, à vrai dire, depuis votre rencontre avec il Procedimento. Depuis ce jour, il y a quelque chose qui a changé. Depuis ce jour, quelque chose d'étrange est en vous. Quelque chose qui vous dit qu'il y a justement quelque chose qui vous dépasse, qui vous échappe. Mais quoi ? De plus, vos affaires actuelles ne vous aident pas. Vous êtes assigné sur de bien étranges enquêtes. Des enquêtes qui semblent hors du commun et pas du tout dans le sens péjoratif du terme. Pour le dire clairement, on vous assigne sur des affaires qui semblent n'avoir que peu d'intérêt. Le genre d'affaires auxquelles on n'assigne pas des métropolites, mais plutôt des vulgaires gendarmes d'habitude. La mort par une maladie mortelle. Voilà sur ce quoi vous devez enquêter. Du moins avec les informations que vous avez. Elle est peut-être là, l'origine de votre sensation d'être dépassé. Vos informations sont-elles bonnes ? Avez-vous vraiment toutes les cartes en main pour jouer ? C'est une bonne question. Mais pour avoir la réponse, je vais vous poser une autre question. Sortant de votre entretien avec la gérante des... de aux deux frères, que comptez-vous faire ? Il est quelle heure ? Début d'après-midi. Si, ma mémoire ne me joue pas des tours. De mon côté, je me tourne vers les autres et j'essaie de voir quelle démarche ils souhaitent adopter. De mon côté, ce soir, j'ai un truc de prévu, mais si jamais vous voulez qu'on fasse autre chose en attendant, il nous reste encore un peu de temps. J'avoue que je ne sais pas trop... On est toujours un petit peu, même si on a quelques informations en plus, on a l'air toujours quand même un peu au point mort. C'est pas des infos déterminantes ou qui peuvent nous débloquer quoi que ce soit. Je sais qu'il y a mon oncle qui m'a proposé de venir manger à la maison. Il a prévu de me faire un petit repas gastronomie lansquaise. Si jamais, Kornilov, tu veux venir, t'es bienvenu. Justement, j'allais te proposer un truc aussi, Kornilov. Désolé m'interrompre, m'interposer un peu. Je suis demandé. Mm-hmm. Et quoi de... Quoi donc ? Un truc dont j'aurais potentiellement préféré discuter en privé, s'il n'y a pas de souci. C'est pas en rapport avec le boulot, justement. Mais plus en rapport avec mon dîner de ce soir. Enfin, mon rendez-vous de ce soir, pardon. Et donc, que de secrets, Esther. Oh, rien d'important, mais disons que j'aimerais avoir l'assurance... Ouais, je pense que je vais te laisser avoir ton repas de ton côté, Victor. Il n'y a pas de souci, j'aurai la chance de manger la gastronomie de chez toi. Je vous offrirai un autre repas à l'occasion pour compenser. Quant à moi, je vais vous laisser. Tu t'en vas ? D'accord. Bon reste de journée à toi du coup. Sinon, tu peux venir avec moi aussi. Hein. C'est pas interdit. Hein. Si tu veux manger l'ansquet. Non, j'ai besoin de Hugo. Non. Alors, je n'ai pas besoin de toi, Victor. En fait, là, je veux juste être invité au dîner. Vis-à-vis de votre fin d'après-midi, pour revenir un peu, la dernière fois, vous avez discuté sortant de là, puisque une information vous semblait un peu étrange, qui est le fait que le prix du voyage est excessivement cher par rapport à ses moyens, et vous trouvez ça un peu étrange que ce soit situé. Et la dernière décision que vous aviez prise à l'époque, en tout cas voilà, parce que effectivement, bon, vous c'était il y a 2 semaines, mais pour vos personnages c'était il y a quelques minutes, donc je me permets de vous faire un rappel mémoire, parce que il y a un laps de temps qui n'existe pas. C'est gentil. La dernière chose dont vous avez parlé et sur lequel on s'était laissé, c'est que vous disiez que pourquoi pas aller voir son entourage, savoir un peu plus sur cette affaire, voir cette, un peu plus d'incohérence ou pas. En effet, si on connaît des certaines adresses sur notre chemin, ça peut être intéressant d'y faire un tour dès ce soir. Ouais, bah écoute, on connaît personne de sa famille. Bah après, ça peut être les gens qui bossent avec elle dans son comment dire ça, là où elle s'occupait des enfants, là. Une école. Dans son école, voilà. Dans son école, voir en gros s'ils avaient noté des changements ou des peut-être certains pouvaient être un peu proches d'elle et ils auraient eu des confidences, je ne sais pas. Oh, ça peut être, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et pour ma part, mon repas est que ce soir. Donc on a encore un peu de temps. Ouais, bah oui, si toutes vos affaires personnelles n'ont pas commencé tout de suite, on peut continuer encore un petit peu avec ça. On a un peu de temps, oui. Ok. Vous prenez donc vos petits magnifiques vélos pour... C'est génial. Je vais faire plus de passages en vélo juste pour vous voir guider, faire des mimes de vélo. Un très très long trajet en vélo, voilà, n'hésitez pas. Voilà, il y a beaucoup. En fait, on va faire le tour de Venise. Vous faites le tour de Venise. C'est drôle parce que vous êtes pas loin, donc c'est-à-dire que littéralement vous partez de l'autre côté, vous faites tout le tour pour revenir. Vous avez vraiment envie de faire du long. Le premier qui arrive au QG, il lève les bras. Maillot jaune. Donc après ce tour de Venise formidable, vous arrivez du coup à l'école dont vous connaissez l'adresse, hein, parce que vous avez déjà été voir Maria là-bas une première fois. Donc dans cette petite école populaire, hein, où ce sont des bénévoles qui viennent aider des enfants sans le sou à être éduqués, vous décidez de vous y rendre. Et ben, je vous laisse plus ou moins me dire ce que vous faites une fois que vous y êtes. Est-ce que vous allez voir quelqu'un directement, enfin, comment vous vous présentez? Eh bien, on considère que oui, il y a les enfants. Eh bien, je vous écoute du coup. Comment vous organisez? Qui vous essayez d'aller voir? Enfin, dites-moi tout en gros. Considère vous y allez. Les collègues. Voir s'il n'y aurait pas un ou une collègue en particulier, je sais pas s'ils sont beaucoup, mais avec qui elle aurait été relativement proche. C'est une grande école, une plutôt petite école, ils sont combien environ? Alors, c'est une petite école, comme dit en fait, les écoles populaires, c'est plus. Faut pas voir ça comme une véritable école avec un grand établissement, etc. C'est vraiment une mobilisation de bénévoles qui viennent essayer d'aider du coup, les enfants pauvres où leurs parents sont majoritairement à l'usine jour et nuit. Et qui ont du coup une très mauvaise éducation, puisque la plupart de leur éducation, c'est une éducation manuelle. Et il y en a qui sont quand même en mode, les pauvres aussi ont le droit de s'exprimer. Et du coup, il y a cette volonté qui émerge dans certains quartiers pauvres d'essayer de faire des écoles, des têtes populaires, ce genre de choses, pour permettre même aux personnes pauvres d'avoir accès à cette culture, surtout à Venise. Hein, c'est une ville où l'art et la culture est très important. Donc même chez les pauvres, on essaie de donner un accès à ça. Du coup, en fait, c'est vraiment genre un bâtiment, tu vois, genre où tu sens qu'il a été investi pour ça, mais c'est pas une vraie école à part entière, donc c'est plutôt une petite école, tu vois, dans ton imaginaire à toi. Tu vois, genre c'est un bâtiment qui en a aménagé quelques pièces pour faire des salles, mais c'est pas une vraie école, quoi. Bah déjà, oui, on peut se présenter en tant que. Bah que métropolite et qu'on est là pour se renseigner sur Madame Azinati et savoir si des gens, enfin, si des collègues ou autres L'homme à l'accueil, lorsque vous mentionnez le nom d'Azinati, prendra un air très triste. Ça fait oh! Maria, c'est vraiment très triste ce qui s'est passé. C'était si soudain, elle avait l'air pourtant si en forme. Vous savez, ici on est tous encore en train d'encaisser le choc. La maladie en question est censée avoir beaucoup de symptômes ou pas? Oui, normalement oui. On est d'accord, c'est étrange qu'ils me disent qu'elle a l'air si en forme, ça n'a pas l'air d'être spécialement juste une formule de politesse. En mode, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. Ouais. Je veux pas dire de bêtises que la phtisie c'est quand même la tuberculose. Si mes souvenirs sont bons, même ça, je commence à. Il faut juste relire vite off mes notes. Mais normalement, c'est ça. Ouais. C'est quand même respiratoire, quand même. Et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il me semble qu'il y a quand même des signes externes. Enfin, c'est pas une maladie majoritairement extérieure, mais il me semble qu'il y a quand même des signes externes, il me semble, la tuberculose. Je dis peut-être des bêtises. Moi, je sais pas, je connais pas trop la tuberculose, mais je sais juste que ça touche les poumons, mais... Il me semble que ça peut faire des marques, des fistules, des trucs comme ça. Mais après, j'avoue que je suis pas spécialiste non plus en tuberculose, c'est le genre de maladie que t'aimerais bien pas passer ta vie à connaître. Pas avoir. Pas connaître. C'est ça. mais voilà, il me semble qu'il peut avoir des lésions, mais en vrai, ce qui se ressent le plus dans une tuberculose, encore une fois, du coup, si c'est pas exactement ça, je suis désolé, on va dire que c'est la version dans les crimes. Voilà. Ça, dans les crimes, c'est pas forcément. C'est la voilà. Tuberculose des crimes. Oui. C'est ça. c'est, du coup, plus que. il y a un poulpe qui crache dans les crimes qui te sort de la bouche. C'est pas forcément une maladie très physique, etc., genre qui va te déformer, ce genre de choses, mais il y a une grosse fatigue qui peut se ressentir et qui, du coup, bah, tu sais, quand tu es malade et que tu as des problèmes respiratoires, bah, physiquement, ça commence à se ressentir quand ouais, même. Ouais, pâle, des cernes, un visage un peu émacié, ça. C'est ça. C'est une maladie qui se ressent de ce sens-là. C'est pas une maladie, mis à part quelques trucs, je sais que ça existe où tu peux avoir des fistules ou des trucs comme ça, ouais, mais ça, à part peste. Ce cas-là, non, c'est un cas de tuberculose. Il y a la peste aussi dans les crimes, mais on mélange pas tout. Ok. Récemment, l'avez-vous côtoyé? La dernière fois que vous l'avez vu? Ça remonte dernier jour de travail. C'était. Il y a peu de temps, juste, vous savez, les quelques jours que d'habitude. En gros, quoi, c'était hier, avant-hier, il y a. Enfin, non, elle est morte il y a combien de temps là? Je me rappelle même plus. 3 jours, 4 jours, ça? Je vais regarder justement. Je me rappelle plus, j'avoue. Elle est morte le. Ouais, ma timeline. Je crois que quand ils nous ont contacté, elle était déjà morte depuis deux ou trois jours. C'est ça, elle était morte depuis 2 jours et vous avez commencé le 8, donc elle est morte le 6. Donc là, en gros, ça va faire une semaine. Donc en gros, il l'a vu il y a plus de semaines. Et c'est pour ça que j'étais un peu vague, c'était juste pour l'information. Ouais, donc ça fait quoi ça fait 2 semaines, ça fait. Enfin, 2 semaines. Oui, c'est l'idée. Je me souviens plus du jour exact, veuillez nous excuser, nous ne sommes pas ouverts tous les jours, donc on se voit de manière plutôt distancée, mais il y a 2 semaines de ça. Elle vous paraissait parfaitement bien juste avant sa mort. Elle était en forme, on savait qu'elle était tombée malade il y a quelques teintes de ça, mais elle s'en était rapidement remise. C'était... Je ne sais pas, elle n'a jamais beaucoup exprimé là-dessus, mais... Ça, en une semaine, je crois, elle avait réussi à passer outre. Est-ce que ça pour qu'elle n'est pas allée au truc? Je regarde les autres, hein, je parle éventuellement plus bas quand je dis ça, mais... quand même plutôt bizarre, honnêtement. Non, on est d'accord, c'est plutôt étrange quand même ce qu'on vient d'apprendre là. Oui. Oui, effectivement, oui. Et est-ce qu'elle avait un comportement étrange ces derniers temps? Je sais pas. Vous savez, je suis pas le binôme avec lequel elle travaille. Peut-être qu'il sera plus à même de vous aider. Mais moi, il y a des bruits qui courent entre collègues qui disent que depuis l'assassinat qui a eu lieu au Théâtre Rouge, elle a quand même beaucoup changé de comportement. Elle est plus aussi aimable qu'avant, elle est devenue un peu plus renfermée. Beaucoup plus fatiguée aussi pendant une période. Et c'est pour ça qu'on était si heureux de la revoir en forme ces dernières semaines. Elle retrouvait des couleurs enfin alors qu'elle avait tout perdu ce jour-là. On vous a dit de... Enfin, vous avez été au courant de la raison de sa mort ou pas du tout? Vous savez, il y a les bruits qui courent. Selon vous, c'était quoi? Allez-y, dites tout. Je ne suis pas sûr. Enfin, vous êtes quand même représentant d'autorité. Je sais, mais dites-nous. Ça peut toujours être intéressant de savoir les rumeurs. Bien. On rappelle. On dit que c'est l'homme-machine qui a fait ça. Ah bon? Bah. Ok. Il y a sa marque, et à vrai dire. Ça, c'est entre nous, mais je ne veux pas croire. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'y crois pas, mais on raconte même que, comme à chaque fois qu'il intervient, un bateau a été vu au large des crimes, sur les crimes. J'ai raté ma phrase, pardon. Mais alors, vous dites que les rumeurs disent que ce serait l'homme et crime, enfin l'homme machine et l'homme crime, l'homme machine. Et qu'il y a sa marque. Mais quelle marque? Parce que... sur quoi vous basez-vous? Ce n'est pas moi, c'est seulement les bruits qui courent. On raconte qu'il dessine d'étranges hiéroglyphes sur son corps. Beaucoup de personnes ne savent pas lire, mais... Ce qu'on raconte, c'est que ce sont des lettres, que ça forme des mots. Vous devez savoir un peu plus que nous. Et donc, vous pensez que quelqu'un aurait donc vu le corps de Madame Azinati et qu'il aurait donc vu ces fameux dessins? Ah non, nous parlons... Excusez-nous, on parle de la mort au Théâtre Rouge. Je m'excuse si vous avez compris. Non, moi j'ai parlé de Madame Azinati, bien évidemment. Autant pour moi, veuillez m'excuser. J'avais mal compris votre question. J'ai mal compris, évidemment. pour Madame Azinati, Maria. On a un peu tous su. C'est un peu difficile de savoir qui a été la première personne à le savoir. Ça a été un coup à peu près pour tout le monde. Moi, je l'ai entendu d'une collègue qui elle-même l'a entendu d'une autre collègue. Très rapidement, l'information a tourné. Son absence a été que remarquée. C'est une bonne question. Qui était la première au courant? Je saurais dire. Juste que nous savions tous qu'elle avait tendance à avoir une santé plutôt fragile malgré tout. Et l'information a tourné qu'elle est passée au trépas après ça. Mais vous ne savez pas la raison. Enfin, la maladie ou Enfin, vous n'avez pas si, d'un... Si, il s'agit d'une stésie, il me semble. Et vous, vous avez l'impression que... de l'avoir une semaine avant sa mort, vous aviez vraiment l'impression qu'elle était atteinte d'une phtisie ? Oh, vous savez, on raconte tout plein de choses. Apparemment, les gens malades, quand leur dernier jour arrive, peuvent avoir des sursauts de lucidité, de regains de santé. Je pense qu'on aurait dû d'ailleurs s'inquiéter de la voir si énergique après ces derniers temps. Mmh. On pensait que c'était juste les choses qui s'amélioraient, on n'y voyait pas là le signe d'une maladie. D'accord, je vois, je vois. Merci, merci. Pourriez-vous nous dire qui vous a mis un peu... Enfin, la personne qui vous a mis au courant de tout ça ? Si on peut remonter jusqu'à votre... la première... Bien sûr, oui. Il s'agit de Lucina. C'est justement la binôme de Maria. D'accord, et où est-ce qu'on peut la trouver, cette Lucina ? Elle travaille aujourd'hui, vous avez de la chance. Si vous attendez quelques petites minutes, normalement, elle devrait bientôt changer de cours et laisser les enfants libres. Ça lui donnera merci un beaucoup. Peu de temps pour discuter avec elle. Merci, c'est gentil. Écoutez... Je regarde les autres, on fait quoi ? On attend cette Lucina ? On est venu jusqu'ici, alors autant y rester jusqu'à qu'on ait tout ce qu'il faut. Ouais. En tout cas, c'est vraiment étrange, en effet, qu'il ait noté qu'elle se portait pas si mal que ça. Mais et ils ont aussi noté qu'elle était de mauvaise santé habituellement. Ouais. Moi, j'y crois à leur histoire hein, du dernier sursaut avant la mort. Ça semble c'est possible. Logique. C'est possible aussi, c'est vrai. Je serais un peu plus dubitatif. Bon, après, au pire des cas, je me permets, je vous le dis, mais. Comme vous êtes quand même une autorité, vous avez accès à des ressources. N'oubliez pas que vous avez rencontré notamment récemment un médecin qui s'occupe d'autopsie, ce genre de choses. Ouais. C'est juste pour dire que, au niveau ressources, pour ce genre de contact, même si vous n'en connaissez pas personnellement, vous savez que pour ce genre de truc très légaux et très officiel, contacter le ministère peut vous aider à vous remettre sur d'autres contacts qui peuvent aider. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est. Ça peut être intéressant de voir avec le légiste qui s'est occupé de notre affaire. On voit un petit peu ce qu'il en pense. On n'avait pas déjà fait ça au tout début ? Je crois pas. En même temps, le corps, on l'a jamais vu puisqu'il est, il a été déjà balancé dans les crimes. Chut. Donc, on n'a aucune idée vraiment de ce qui s'est passé. On peut que se fier au rapport de on ne sait qui. Et est-ce qu'il y a eu vraiment une autopsie ? Ouais. Mais il me semble qu'on avait déjà parlé de ce gars-là. Il n'a pas disparu. Non, c'est un autre qui a disparu. C'est un autre meurtre. Oui, en fait, c'est... Oui. Non, vas-y, vas-y, vas-y. On a essayé de le retrouver l'actuel. En fait, on avait parlé d'un médecin qui s'était occupé il y a très longtemps d'une personne importante qui avait eu la phtisie, qui avait procédé à une autopsie, je crois, de souvenir, et que bizarrement cette personne avait disparu. On n'avait plus jamais eu de souvenir d'elle. Voilà. Et c'était une femme d'ailleurs, je crois, de souvenir. Mais Ouais, mais le médecin de notre enfin l'autopsie, le gars qui s'occupait de Maria là, on avait déjà essayé de le retrouver, on nous avait dit qu'on l'avait pas trouvé, non, un truc comme ça. Non, on l'a pas. Oui. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que comme le médecin de l'affaire comme avant, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un médecin qui l'a déclaré avec la maladie tout sa mort, et Aucune trace du médecin depuis. Ah, donc celui qui s'est occupé d'Asinati a disparu aussi. Disparu, en tout cas, pour l'instant, il n'a pas laissé de trace. Après, ça fait que quelques jours de là, par disparition, c'est peut-être un peu... Mais effectivement... Donc, il y a une similitude entre deux affaires. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en a parlé de la première. C'est vraiment le point qui fait que... Ouais. C'est ce point-là, en fait, qui les inquiète. D'accord, ok, d'accord. Ça, j'avoue que j'avais compris. On pourrait savoir qui avait travaillé sur les premières affaires, peut-être. C'est un peu obscur. Hein. J'ai l'impression de revoir une il pronte el procedimento bis. Ah, on a quelque chose. Genre, on n'a rien, vous vous démerdez. C'est, en gros, c'est pour ça. Une histoire c'est beaucoup moins intéressante. Ah, beaucoup moins. Pour l'instant, elle peut peut-être le devenir. Là, c'est pour l'instant, c'est pas très clair. En même temps, plus tu creuses un peu sur l'affaire Asinati, plus au début, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez banal, et puis tu te rends compte que ça commence à devenir un petit peu bizarre. Au début, t'étais catégorique, et après, tu l'étais un peu moins. Ouais. Donc voilà, ça commence à changer. Donc après, oui, l'idéal serait peut-être, comme tu le dis, Esther, de peut-être contacter ce médecin légiste et qu'il nous en dise un peu plus sur peut-être les symptômes de la phtisie et savoir si une personne atteinte de phtisie peut être en forme une semaine avant de mourir. Quel cas, si c'est pas le cas, on l'a peut-être aidé à mourir. C'est un légiste qu'on a déjà croisé, vu que celui de Maria aussi a disparu. Celui-là qu'on a croisé avant pour l'affaire avec les bourgeois. On n'a pas son nom, en fait. On ne lui a pas demandé parce qu'on n'a pas été très... On a juste posé des questions et on l'a laissé repartir. Ouais, après, on peut peut-être essayer de faire marcher nos relations et demander à notre supérieur hiérarchique direct. Non, je pense qu'il a quand même accès à des choses que nous n'avons pas accès. Et puis retrouver, je pense, sans trop de problèmes, vu que c'était pas une affaire ultra sensible. Voilà. En tout cas, je pense qu'on attend, comme on a dit, Lucina, et puis dès qu'elle sort, on la chope. Voilà. Viens là. Un coup de chaussure à l'arrière de la tête. Voilà. vous n'avez pas besoin d'être aussi violent parce que pas dans les encore police police nationale vous n'êtes pas la police, vous êtes des métropolites, ça n'a rien à voir, ok, la police c'est les gendarmes. Métropolite nationale. ministère de la police nationale. Du coup, ouais, vous m'avez perdu. J'étais pas prêt. On attend Lucina. Oui, voilà, merci Lucina. Lucina, en fait, après votre conversation qui a duré pile 10 minutes, sort avec vous avez une troupée d'enfants sortir et aller se balader devant, parce qu'il n'y a pas de cours en fait, parce que c'est pas une vraie école encore une fois, enfin, c'est pas une école comme nous on l'entend dans notre monde à nous, donc en fait il n'y a pas de cours, donc ils jouent dans la rue sur la pause. Et rapidement l'homme qui est chargé de l'accueil va voir Lucina et lui explique un peu la raison de votre présence, et Lucina du coup vient vers vous. Bonjour madame. Pour la décrire rapidement, c'est une femme qui a des traits assez fins. Vous pouvez voir que c'est clairement une personne assez pauvre hein, de base. En tout cas, qui a l'air d'être un peu en sous-nutrition. Et qui a des cheveux roux. Concrètement, c'est... ce qui en ressort, c'est une chevelure très rousse. Mais un roux vraiment pétant. Quoi. Je vous écoute. Bonjour madame. Métropolite. Enchanté. Lucina, vous êtes là pour Maria. Effectivement. Nous sommes désolés de ce qui lui est arrivé. Hein. A priori, On avait bien compris que vous étiez assez proche d'elle, de par votre travail. Tout à fait, c'est avec elle qu'on gérait ensemble les enfants à qui on a la charge. Ok. Du coup, vous la connaissez bien, je suppose. Vous avez peut-être échangé pas mal sur vos vies respectives. Oui, comme tout collègue, ça se passe mieux si on se rencontre, enfin si on discute, histoire de briser la glace. Et oui, nous échangeons ci et là quand on peut. C'est oui, presque une amie aujourd'hui, on peut le dire. Mmh. Bah du coup, on voulait savoir, comme votre collègue nous a mentionné, que quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Ah, c'était la dernière fois qu'elle est venue travailler, il y a de ça 10 jours, je crois, au début de l'atteinte. D'accord. Et comment vous l'avez ressenti? Enfin, dans quel état ça se dit pas dans quel état elle était, mais... Elle était dans un état solide. Elle était pas devenue de l'eau. Non, elle se sentait bien et pour être honnête, ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vue aussi rayonnante. D'accord. Je regarde un petit peu mes collègues, voir s'ils n'ont pas des questions à poser, parce que je parle beaucoup. J'ai l'air de plus en plus convaincu de ce sur quoi je disais tout à l'heure. Vous savez pas, enfin, vous avez noté qu'elle était plutôt rayonnante, même physiquement, qu'elle avait un teint, enfin, comme on a bien compris que vous savez qu'elle est morte d'une phtisie. Est-ce que pour vous, physiquement, j'entends, elle paraissait malade ou touchée? Non. Pour être honnête. J'ai jamais compris d'où venaient ces rumeurs. Nous savons que il y a bien un moment, elle était effectivement tombée malade, mais il s'agissait sûrement pas d'une saisie, étant donné qu'elle a guéri très rapidement. Puis ça remonte à beaucoup plus longtemps. Et après ça, elle se portait plutôt bien. Et il y a eu la mort de Fotus. Ouais. C'est là où vraiment elle a... je ne sais pas en fait si c'est la maladie qui est revenue, est-ce que ça aurait été déclenché, je ne sais pas comment ça se passe, mais à la mort de Fotus, elle est redevenue très faible, très fatiguée aussi, elle dormait plus, elle avait l'air ailleurs tout le temps, toujours en train de réfléchir, toujours sur autre chose et très fatiguée. C'est pour ça que la revoir en forme nous a fait énormément de bien. On pensait qu'elle avait réussi à passer le deuil de la mort de son ami. Et vous savez si elle avait prévu de voyager dans les jours à venir, ou vous saviez si elle avait un voyage de prévu? Je crois pas, non, elle ne nous en a pas parlé. Hum. Ok. Sans indiscrétion, vous gagnez combien par mois? Non, je sais que ça paraît stupide comme question, mais c'est la procédure. Hein, on fait un petit peu. Alors, à vrai dire, c'est un peu unique pour chaque personne, puisque bah, nous sommes dans un établissement bénévole. Donc, l'argent que nous gagnons est à la hauteur de ce qu'on peut réunir sans. Marché qui nous aiderait, des gens qui nous financent, etc. Donc, généralement, nous sommes payés 2 liges par ici l'école, mais Il y a toujours, ci et là, on fait tous quelque chose d'autre à côté. Maria faisait aussi le théâtre pour combler du coup son mois. Et... Elle devait toucher 6, 7 lits, je crois, en tout, en réunissant toutes ses activités. Personnellement, je m'en tire pour une dizaine de lits. J'ai un travail à côté. Je répare ci et là des câbles et des constructions en fer. Oui, d'accord. Vous savez si d'autres de vos collègues ou des personnes qui sont proches d'elle, peut-être plus proches même que vous, vous en connaissez ou... Oui. Au théâtre, elle a des liens assez forts. C'est le cas de, notamment avec Photius, qui était vraiment quasiment son meilleur ami, de ce que j'ai compris en discutant avec elle. Je crois qu'elle a de meilleurs contacts là-bas, et il me semble que le mari de Photius aussi avait de bons relations avec... forcément, hein, les amis, nos amis sont nos amis, et je crois que du coup, ça se passait bien entre les deux. Sinon, je crois que c'est plus au théâtre où elle avait vraiment de fortes amitiés. Du coup, on peut dire que vous, de cet établissement-là, vous êtes la personne la plus proche d'elle. Oui, c'est-à-dire que nous travaillons selon un roulement, et je suis toujours avec... Maria, donc forcément, entre nous, il y a eu plus de liens qui s'est créé qu'avec nos autres collègues. D'accord. Même d'accord, si nous sommes tous unis hein, pour faire vivre cette école, mais le fonctionnement fait que on voit plus certaines personnes que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, pour ma part, je pense avoir posé toutes les questions dont j'avais besoin. Je sais pas. Je regarde les collègues. Et vous ? Non, moi j'ai l'air plutôt sereine au niveau de vis-à-vis des questions possibles. D'ailleurs, question, il va être environ quelle heure à ce moment-là ? Là, on va dire qu'on est en tout début de soirée, donc avant même que le soleil commence à se coucher, etc. C'est juste vraiment l'arrivée de la soirée, quoi. Écoutez, je pense que si vous n'avez plus de questions, on va peut-être pouvoir vous laisser vous occuper de vos enfants, enfin des petits. C'est très gentil, merci. Et que rapidement, coupe court la conversation elle-même. Parler de Metroid n'est pas le truc le plus rassurant au monde. Et elle appelle les enfants en claquant des mains. Et à peine vous avez le temps de quitter le lieu, qu'il y a déjà une troupe d'enfants qui envahissent. Salmoun Écoutez. Du coup, on se retrouve un peu tous les trois. Je me retourne vers vous et puis, écoutez, ça commence quand même à ressembler à quelque chose d'assez bizarre cette histoire. Je sais pas vous, mais encore plus que truc avant. Moi, je suis d'accord et je sais pas vous non plus, mais je ne me souviens pas de l'époque où on avait enquêté sur Photius. Qu'on nous ait dit qu'il était aussi proche que ça de Maria. Parce que de souvenir, Maria, on l'avait vite jetée dehors parce qu'elle n'était pas intéressante. Bah après, elle s'est peut-être pas épanchée sur sa relation amicale avec, avec lui. Et peut-être qu'elle n'a pas, elle a eu peur de nous, c'est possible. Étant métropolite, si elle avait des choses à cacher, personne nous l'a dit, pas même l'espèce de majordome là qui sert à rien, qui était à l'entrée là, qui nous aimait pas parce que des gens ont brûlé son frère. Et bien justement, il nous aimait pas. Donc quel est l'intérêt qu'ils nous disent de tout ça ? Ben moi je dis demain on va là-bas et on lui fait peur. Ouais, et on peut aussi aller voir le mari de Photius, a priori, puisqu'elle avait l'air d'être proche de lui. On lui fait peur à lui aussi. Il va sortir les matraques. La technique Kornilov. D'ailleurs, mais à ce moment-là, je prends un gamin, Et je lui pointe Kornilov du doigt, je lui fais tu travailles bien à l'école, sinon tu finiras comme lui. Et là, on sent que Kornilov a un peu changé sa vision sur l'affaire Azinati, parce que il y a des révélations qui le troublent. Genre, s'il avait su dès le début qu'elle était proche de Photius, il aurait peut-être pas pensé pareil. Donc, quelque part, on a peut-être fait changer Kornilov de jugement sur cette affaire Azinati. peut-être à tort, hein, mais ça fait quand même bizarre, là. Là, j'avoue, avec tout ce qui tombe, là... Ça okay. fait beaucoup de choses. La soirée va tomber, donc je vais vous laisser vous organiser. Je reviens juste, c'est vrai que une chose, vous pouvez noter, parce que comme ça a été sous-entendu dans une ellipse, je peux vous le dire directement comme ça, c'est clair pour le moment. La première fois, vous avez été voir Viteuf, l'entourage, donc pareil, vous êtes allé à l'école, etc., vous avez parlé de Maria. Vous avez eu très très peu d'informations. C'est vrai que, en fait, étrangement, les conversations ont pu se tourner. Sur des éléments d'enquête plus concrètes que chercher à comprendre en détail comment était ressentie la maladie par d'autres, hein. Et ça fait que ouais, indirectement, en fait, la première fois que vous avez été voir, il y avait eu très très peu d'informations, et là, en fait, amener ce sujet là comme ça, comme vous l'avez fait, ça a permis, en fait, finalement, de revoir un peu au goût du jour l'enquête. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, je voulais s'organiser parce qu'apparemment il y avait des choses à s'organiser pour la soirée. Donc, je vous laisse discuter entre vous si vous voulez, et après, on s'occupe du coup de vos soirées. C'est exact. Moi, je vais filer chez mon oncle, du coup, puisque c'était prévu. Donc, je vais aller manger lansquet chez mon oncle. On va voir ce que ça donne. Pire, je viendrai avec un tube pour Kornilov. Tu pourras le réchauffer. Et puis ouais, voilà, du coup, ça me permettra un petit peu de raconter à mon oncle que je suis allé voir la famille et que j'ai vu ma mère, et ce sera un bon sujet de conversation, ça pourrait être rigolo. Ok. Voilà. Promis, je te le rends pour la prochaine fois. Hugo, toi, c'est quoi ton programme pour la soirée? Et du coup, Hugo, il va retourner chez lui, à son appartement, et il va se réatteler encore une fois okay. ce maudit poème. Il n'en finit pas, et si jamais ça commence encore et encore à reprendre. Ce chemin infernal qui a commencé les dernières fois que Hugo s'y intéressait, et il va tout simplement utiliser sa potion magique plus connue sous le nom d'absinthe, en espérant peut-être tirer quelques idées créatives, toutefois en essayant d'être de modérer non plus. Il ne s'agit pas de devenir ivre, mais peut-être que un léger fond développera la créativité d'Hugo d'une façon adéquate. C'est déjà arrivé une fois de dure soirée, Hugo avait découvert bien des talents grâce à l'absinthe. On sait que c'est une potion magique qui fonctionne avec Hugo. On rappelle que Hugo l'avait même conseillé à une artiste en mode « c'est le petit outil magique pour faire vraiment de grandes choses ». Donc c'est vraiment la petite botte secrète d'Hugo quand il galère, je note. Comme d'habitude, j'ai demandé de faire un petit jet de créativité, sachant qu'en plus tu viens de level up là-dedans, donc tu t'es déjà amélioré avec le temps. Pendant ce temps-là, je vais d'abord demander, avant que Esther explique en quoi elle a besoin de Kornilov, je vais demander à Kornilov ses pensées, ce qu'il ressent. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. On y revient. Kornilov, what is, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Eh bien, Kornilov, il est à la fois profondément frustré parce que Kornilov, il aime pas cette enquête. Il aime pas du tout cette enquête parce qu'il a l'impression de se faire balader de coin en coin pour des histoires qui sont pas intéressantes. Là, il y a eu un peu d'intérêt qui a priori. Mais cet intérêt signifie qu'on lui a menti à l'époque. Et ça, il aime pas parce que ça veut dire qu'il aurait pu avoir plus d'éléments à l'époque pour déjà terminer l'affaire avant. Donc très frustré. Secondement aussi, extrêmement surmené, tout simplement parce que cette affaire, comme je l'ai dit, n'avance pas. Elle a l'air liée d'une manière ou d'une autre à El Procedimento, et il aurait bien aimé quand même au final que ses vacances d'El Procedimento soient un peu plus longues. Donc voilà, comme d'habitude, la tête dans le boulot, mais cette fois-ci, le boulot, plutôt que de l'hyper concentrer, elle lui occupe l'esprit, il a un gros brouillard dans la tête. Ok. Très intéressant, merci beaucoup. Après, tes vacances d'El Procedimento, c'est rigolo parce que vous êtes officiellement de nouveau sur l'enquête, hein, Procedimento. Donc, de toute façon, tes vacances ont été forcées de s'écourter. ok, bah merci beaucoup. Et bien, du coup, Esther, bah, je te laisse, si tu veux, brief Kornilov sur ce que tu veux avant d'aller au lieu de rendez-vous. Eh bien, sur le chemin du lieu de rendez-vous. Tandis que nous prenons le vélo dans un endroit un peu discret, sans trop de monde autour, je demande à Kornilov s'il est armé. T'as un flingue sur toi ? De quoi tirer ? Il faut que je vérifie, attends deux minutes. Tu te tâtes énormément la tenue en mode « Attends, où est-ce que je les range d'habitude, mon flingue ?» Oh mince, est-ce que je l'ai pas oublié dans ma chaussure ? Ouais. Alors, Kornilov, oui, tu as un trop blond. Ouais. Je sais pas comment t'as fait pour pas le voir. il était dans mon dos, j'ai pas fait gaffe. Je note par contre, Kornilov, que niveau munitions, ça a l'air d'être un peu la dèche. Ouais, j'ai rien, je crois. Ouais. Alors, j'ai une arme, mais pas de munitions. Moi, il me semble que j'ai une arme et des munitions sur moi. Esther, oui, tu as de la poudre et des balles sur toi. C'est les balles de tromblon, c'est les mêmes balles qu'un tromblon ou pas ? Je pense pas. Eh bien, je n'ai aucune connaissance en armes à feu pour savoir si ça change quelque chose ou pas. C'est que oui. Non, j'ai. Attends. Si les armes à les calibres, je pense pas que ce soit les mêmes balles qu'un tromblon. Ça m'étonnerait. Je regarde, attends, si vous me laissez 2 secondes sur Google Images. Ok. Et un pistolet. J'avoue, la dernière fois que j'ai tiré qu'un tromblon, c'était sur Fable 2 et il n'y avait pas les munitions à prendre en compte, mais ça ressemblait pas vraiment au calibre. Après, il y a plusieurs calibres de. C'est vrai. De tromblon. Ça peut aller jusqu'à 12 mm. Donc la question c'est, est-ce que ton pistolet est un gros pistolet à 12 mm ou pas ? En tête un 12 mm. Du coup, en fait, je regarde les pistolets du 18e siècle. On fait une petite pause wiki. Hein. C'est pas 12 mm ça. Vous pouvez pas me le dire ? C'était à une balle, non ? C'est ce genre de pistolet. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est là, de toute façon, on est à l'époque des une balle par une balle. C'est tu mets une balle, tu mets la poudre, il faut ouais, tasser. Tu mettais la poudre. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours la même chose. On est dans une ère où les armes à feu, enfin, c'est pas genre les mitraillettes, quoi. Des combats en armes à feu, faut bien les gérer pour ça. Il y a des règles pour ça, mais je regarde un peu une balle. Ça fait quoi ça c'est. Ouais. En gros, c'est vous baladez avec deux bourses. Une avec des balles en plomb et une autre avec de la poudre. Je pense que pour être honnête, effectivement, ça n'a pas l'air d'être le même calibre, même si tu as un gros pistolet. Et puis la ouais, la non, distance, je pense que c'est pas le même calibre. La distance est pas ouf. Hein. Attention. Hein. Non, dans ce cas-là, je lui passe. Ouais. Ok. Tu me passes quoi, tout? Ouais, je pense mon pistolet, toutes mes balles. Hein ? En vrai, je pense pas que t'auras besoin de tirer ce soir, mais disons que quelqu'un qui... Comment dire ? quelqu'un avec qui je me suis quitté en plutôt mauvais termes m'a donné rendez-vous et que j'aimerais avoir une assurance que tout se passera bien. D'accord. Normalement, tout devrait bien se passer. La personne en question n'est pas forcément dangereuse, mais il se pourrait qu'une guilde en profite pour se pointer. Et dans ce cas-là, bon, j'imagine qu'on aura besoin de leur faire peur un bon coup. D'ailleurs, je suis un peu métropolite, non ? Là, actuellement, oui, mais tu pourras te changer. Le nom a été adressé au QG, il me semble. Oui, oui, oui. Oui, donc bon, c'est que la personne sait que je suis métropolite. Bien vu. Ok. Donc je vois dans quoi tu m'amènes. Écoute, pour être parfaitement honnête avec toi, j'ai autrefois fait quelque chose, une erreur de jeunesse que je regrette amèrement, mais j'ai un peu honte de te confier ça et j'espère que tu ne me jugeras pas trop, mais voilà, j'ai eu une relation hétérosexuelle. Quoi ? Oui, je sais. Et la personne en question, au-delà de ça, a fricoté plus ou moins avec certaines guildes, et ça, c'est pas très bien fini. Tu pourrais l'imaginer. Tu vas avoir besoin que je reste à côté, ou tu préfères que je reste dans l'ombre ? Bon, tu peux te planquer dans un coin pas trop loin, ouais. Ou sur un toit, comme tu veux. D'accord. Je te paierai la bouffe chez l'oncle Victor pour te remercier. Quoi, il m'a mis mon tupperware. Parfait. Ok. Vous vous rendez sur les lieux, donc il y a un petit quartier d'artistes plutôt tranquille. Donc on va passer en dune, on va changer de musique dans quelques secondes. Mais pendant le changement de musique, je vais demander à Esther la même chose que j'ai demandé à Cornelia en fait il y a quelques secondes, mais je trouve que pour Esther c'est un bon moment pour lui demander un peu juste avant ce rendez-vous, bah, comment tu te sens, à quoi tu penses, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, Esther? Eh bien, je dirais que je suis un petit peu au-delà de surmettre de côté un petit peu l'enquête qui semble vraiment être assez floue, peut-être un peu curieuse de voir ce qui va pouvoir se passer. Et bon, en même temps, je me dis que j'espère que Kornilov comprendra mes potentiellement erreurs de jeunesse à une époque où je me cherchais, et puis bon, voilà. Hein. Lui qui a un mari aimant et vit une vie de couple parfaitement épanouie. Non, et sinon, au-delà de ça, je me méfie quand même, parce que les guildes peuvent vite, ça pourrait peut-être être un piège tendu par la guilde. En apprenant que je suis métropolite, je pourrais être une cible à abattre, c'est pour ça que je préfère garder mes arrières. Sachant qu'en plus, étant donné que... C'est un peu méta, du coup, ce que je dis, mais étant donné que je suis un peu dans la période parano de Esther, c'est pas le moment où je me rends à un rendez-vous d'une personne avec qui j'ai pas eu contact depuis des années, comme ça, les mains dans les poches. Tu te rends à ce petit lieu de rendez-vous qui est un petit quartier, du coup, un peu huppé d'artistes, tranquille. C'est un quartier dans lequel, comme on le disait, tu passais beaucoup de temps avec lui dans ta vie d'avant, avec une époque où tu faisais des erreurs de jeunesse. Et comment tu te comportes ? Est-ce que tu attends juste qu'il vienne à toi ? Et est-ce que tu demandes à Kornilov de se cacher, de rester bien visible à côté de toi ? Comment tu prépares l'avenue ? Un premier coup d'œil à la rue ou vers le coin en question ? Je pense que oui, je vais simplement m'y diriger en laissant Kornilov un peu plus loin. Il est grand, il saura parfaitement trouver le meilleur endroit pour se cacher. Voir avoir une vision sur la situation. Quoi. Ok. Kornilov, tu vas donc t'éloigner... un peu d'Esther pour aller te cacher un peu. Et Esther, tu vas attendre à quelques mètres de lui. Un énorme sourire apparaît sur son visage. Et est-ce que tu veux bien décrire un peu rapidement à quoi ressemble du coup Abel, ton premier coup de cœur d'époque ? Je dirais qu'il a cette fausse apparence de personne innocente, justement. C'était vraiment pas le type louche, justement, qu'on aurait pu voir traîner dans les guildes. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'était pas du tout dans ces histoires un peu de mafia, si je peux dire. avant de traîner avec ces histoires de guildes ou autres, c'était vraiment la personne qui était prédestinée à ça. Et ça se ressent aussi dans son comportement. En tout cas, après, je ne sais pas comment cette personne a changé depuis. Mais, en tout cas, voilà, à l'époque, c'était la personne un peu trop gentille, un peu trop naïve, qui hésitait, qui savait pas vraiment où aller, quoi. Je sais pas si c'est clair. Puis sinon, physiquement, du coup, je dirais que à l'époque, en tout cas, c'est vachement les traits un peu stéréotypes de l'artiste de Venise. Maintenant, à toi de me le dire. Parfait. Ça fait à peu près combien de temps, histoire que je ne dise pas de bêtises, que vous n'êtes pas vu ? Alors, attends. On s'était pas vu... Quelques années, je sais, mais... Un an, parce que un an, c'était le temps où je retourne à Venise. Et ouais. Au moment où je suis revenu à Venise, c'est le moment où on a commencé les crimes, ça je ne sais plus. 3 années. Il y a eu à peu près un an avant le début de la campagne, le moment où tu as commencé à t'entraîner et rencontrer Eilig. Donc ça fait 5 ans que vous êtes pas 5 ans, ouais. Waouh. Ok. Esther, du coup, maintenant, elle a... Cela, Esther, il me semble 24 ans, si je dis pas de bêtises, 24, 23. C'est-à-dire que voilà, vous êtes vu à 18, 19 ans, quoi. Donc vraiment, bah la c'était jeunesse. C'était une erreur de jeunesse. Ah bah totalement, là c'est l'erreur de jeunesse. Plus... elle est où, madame Line? Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Esther, là, a 24 ans, donc les choses ont changé. Très bien, et bien, quant à lui, il a un air, quand il s'approche, hein, tu peux. tu peux commencer à le voir, il a le visage qui a pas vraiment changé, il a toujours ce visage un peu angélique de la personne innocente, etc. Je le vois vraiment avec tu vois, un teint assez pas forcément pâle, j'ai oublié le terme, donc tant pis, mais avec des yeux très clairs, enfin tu me dis si ça correspond un peu ou moins à... Très bien, très bien. Mais cette espèce de petite gueule d'ange et il a par contre un peu de barbe maintenant, les cheveux mi-longs et il fait quand même un peu plus adulte sur son visage. Il s'approche de toi et tu vois qu'il, tu vois vraiment t'analyse tu vois, de haut en bas pour voir un peu bah, comme toi les changements qui a eu lieu et juste prononce les premiers mots. Esther. Mm-hmm. Ça fait longtemps. Ah, génial. Ouais, ça fait très très longtemps. Faut dire que j'étais même pas sûr que le tuyau qu'on m'avait donné mènerait vraiment à toi et que tu viendrais si c'était le cas. D'ailleurs, ça m'intrigue ça. Comment est-ce que t'as fait pour me retrouver? Ah, tu sais, c'est un peu notre métier d'avoir des oreilles et des yeux partout et depuis tant, je m'étais dit que si jamais t'étais encore en ville, ce serait bien de renouer un peu avec le passé, malgré ce qui s'est passé. T'es encore avec eux, du coup. C'est pas si mauvais que ce que tu crois. J'ai une vie stable, j'ai de l'argent, j'ai jamais vécu aussi bien de toute ma vie que depuis que je travaille avec eux, oui. Mm-hmm. Et comment va ton chef? Il va bien. Disons que j'ai dû faire en sorte d'avoir une autre couche de précaution pour pas qu'il soit au courant de notre petit rendez-vous. J'espère bien. Ça serait dommage qu'il débarque en plein milieu. Ouais, je te le fais pas dire. Remarque, je devrais le voir arriver vu la balafre que je lui ai laissée la dernière fois qu'on s'est vu. Tu vois qu'il rigole d'un rire à moitié sincère et à moitié forcé. Tu sens que le début du rire était sincère mais qu'il a continué par politesse, tu supposes. Ouais, c'est... Il l'a mal pris, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, je suis très content que finalement t'as trouvé ta voie et que ça te fasse éloigner des quartiers où nous on traîne, ça te rend en sécurité, ça me rassure. Ouais. Je serais pas rassuré en effet de vraiment avoir à m'y déplacer tous les jours. Maintenant, j'espère que eux non plus seraient pas vraiment rassurés à l'idée de me voir débarquer à l'occasion. Ouais, je sais pas trop, tu sais, t'as pas vraiment une bonne réputation là-bas. Moi, en tout cas, je le serais pas. Je préfère te savoir loin de d'eux. Tandis qu'il parle, je jette quand même des coups d'œil à droite à gauche, voir si je reconnais des têtes au loin. Qui auraient pu être suivies, comment dire, inconsciemment ou pas. Enfin, sans le savoir, je veux dire, je comprends pas. Ouais, ouais. T'inquiète. Tu ziotes à gauche, à droite, et il n'y a rien de particulier qui ressort. En tout cas, pas encore de visage connu ou ce genre de choses. Pour l'instant, la rue est tout à fait normale. Ok, tant mieux. Je m'en concentre à nouveau sur la discussion. Ok. Et dis-moi comment tu... T'as fini Métropolite, t'as sacrément évolué, dis donc. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais j'ai finalement réussi, ouais. Et du coup, tu... T'es plus à l'usine, tu... Tu construis plus... comme à l'époque. Ça peut m'arriver encore de temps en temps. C'est bien. Et... Je sais pas, tu veux qu'on aille boire un coup, un truc comme ça? C'est ton anniversaire, après tout. Je peux bien t'offrir quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Je pensais quand même qu'il y aurait un nous suivre. C'est sa meilleure soirée. Alors qu'il pourrait être en train de manger avec l'oncle de Victor. Très bien. Vous vous rendez à un petit bar qui est vraiment non loin de l'endroit. Hein. Ça reste toujours dans le même quartier qui est un peu votre quartier qui était à vous à l'époque. Et vous essayez et rapidement, il te demande ce que tu veux boire. Oh, une morose. Non, quoique c'est un jour de fête quand même. De l'absinthe. Bah oui. J'imagine qu'il n'y a pas des cocktails dans les crimes, non? Si, peut-être. Pas trop, non. Oui, donc j'ai un verre, n'importe. Ouais, ok, non, mais l'absinthe, c'est bien, ça fait partie des vraiment des boissons de base hein, dans l'univers des crimes, donc c'est vraiment le petit truc que tu prends entre amis le soir. Enfin, après tout, c'est pas du tout un alcool fort, je sais pas de quoi vous parlez. Bref, du coup, il commande pour vous deux d'absinthe. Toi, Cornilum, du coup, tu les as suivis, tu restes à distance ou que fais-tu? On m'a dit d'être là au cas où il y avait un problème, alors forcément, je vais suivre de manière discrète, même si je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe, mais je vais suivre. Je suis quelqu'un de bien, faut que je fasse jusqu'au bout. Très bien. La soirée va se continuer avec des discussions de plus en plus qui retrouvent un peu de son naturel, parce que forcément, le début, il y a eu... Toujours un peu gêné, bien sûr. Ouais. Et là, ça reprend un peu son naturel, et tu le sens sincèrement bienveillant, et surtout qui, durant ça, va essayer de passer ce petit message de... bah, qu'il est un peu désolé d'avoir foiré avec toi, mais que... mais il est en fait honnêtement content que tu te portes bien aujourd'hui. C'est quelque chose, tu vois, qui va pas te le dire directement, formulé comme ça, mais tu vois, qui va de temps en temps essayer de balancer viteuf, tu sais, entre deux phrases pour ensuite faire transition. Et je reviendrai sur ta soirée dans un instant, ouais. Puisqu'on va d'abord passer à ce qui se passe avec Victor. Victor, toi, pendant ce temps-là, tu es chez ton oncle. ton oncle, toujours comme d'habitude, très accueillant avec toi. Hein. T'es toujours le petit chouchou de la famille. Salut, papy. Et va tout simplement... Alors ça, par contre, il va commencer à ne pas t'apprécier. Non. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, rentre. Tu vois, d'ailleurs, quand tu vas le voir, il a un petit tablier et il est en pleine cuisine, super heureux de te voir. Ça sent bon, c'est toi. Ah bah merci, je t'avais promis, crois-moi que ce soir, tu vas adorer. Il y en a un qui aurait bien Est-ce que t'as mangé, déjà mangé, as-tu déjà mangé ce qu'on appelle un radis? Un radis? Ouais. Je ne connais pas du tout. C'est quoi? C'est un légume qu'ils aiment beaucoup cultiver dans les... Je sais plus comment on appelle ça. Dans le Lansk? J'ai un manque de termes. Oui, non, c'est pas le pire. Comment on appelle dans... Vous savez, il y a des serres, c'est ça? Les zones où on bâchait, où on peut faire pousser oui, des trucs. Oui, une serre, oui, dans une serre, oui. Une serre, voilà. Excusez-moi. J'avais oublié ce terme. Hein. Oui, dans les serres du Lansk, ils sont très, très, très... Ils adorent ce légume, vraiment. Il est... Ils font cuire un peu avec tout. Ils font ça aussi avec du chou. Je sais pas si... Du chou, on en a un peu plus. Mais vraiment, le radis... Il le marine, il le sèle. C'est très compliqué à cuisiner parce que, notamment pour récupérer le sel, tu sais que c'est une opération qui est très rare et qui est très coûteuse. Ouais. Il n'y a pas de sel dans mon plat, désolé, mais. Et quand même, je pense. Beurre, je pense qu'il va te plaire. Ah, bah, rien qu'à l'odeur, déjà, ça donne envie. Ah, c'est sûr que ça change de la mousse de champignons qu'on mange entre midi et deux. Hein. C'est ça. Et crois-moi, de la mousse en champignons, il y en a un qui nous en fait souvent. Ah, vraiment? Ah, oui, oui. Ah. On a un cuisinier dans... D'ailleurs, il est lansquais. Ça tombe bien. Et vous cuisinez de la mousse de champignons? On fait avec ce qu'on a, malheureusement. Ah. J'espère qu'il connaît d'autres recettes parce que le Lansk en termes culinaires, c'est quand même vraiment bien passé. Si jamais, je ne sais pas le prix hein, réellement de ces ingrédients, mais si jamais tu en as quelques-uns en rab, je veux bien les récupérer et je lui offrirai ses radis. Bon, mon filleul, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non. C'est ça, c'est oui, quoi un filleul oui. Ah, c'est ça filleul, ouais. Oui. Oh, putain. Il faut que je fasse confiance à mon instinct. Mon filleul, tu me connais. Je veux dire, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai forcément toujours des contacts à gauche, à droite. Moi, là, ça, là, quelques sous, à peine, je te trouve ce genre de légumes. Bon, il faut payer un peu, surtout le déplacement, mais quand tu connais la bonne personne qui les ramène du bon endroit, ça coûte plus si cher que ça. Alors, c'est sûr, tu vois, c'est un peu comme le café. Ici, ça coûte méga cher, mais j'ai un ami actuellement istanien qui me promet d'en ramener pour quelques liges. Je pense qu'on va se faire plaisir. Oui, pas de soucis. C'est quoi? Ce soir, tu repars avec 3 radis. C'est pour moi. D'accord, bah, merci. Je te présenterai mon ami qui vend ses légumes pour peu cher sur le marché. Alors, ça c'est le joueur qui te le dit. Okay. En fait, on s'est complètement planté puisque c'est le neveu. Ok, c'était bien ça. Je me disais le filleul, je pense que c'est quand c'est des parrains ou un truc dans le genre. Hein. Enfin, je sais plus. Bon. Mais c'est neveu. Voilà. Ok. Neveu. Il a dit mon neveu alors. Voilà. Eh bien, merci mon oncle. il sera ravi de pouvoir. En manger puisque je suppose qu'il a dû le faire dans son pays, je pense. Okay. Et après ça, bah, vous vous installez pour dîner, il va raconter des histoires notamment basées sur le Lansk parce que voilà, ses saveurs lui rappellent tellement d'anecdotes, etc. Du coup je continue et puis il dit, au fait mon oncle, j'ai une nouvelle que je viens de t'annoncer, et tu vas peut-être en rire, mais je suis allé voir Mère. Ah, comment va cette sorcière? Bon, elle se porte bien, toujours le nez dans ses documents, toujours à s'occuper des affaires de la famille. Tu la connais mieux que moi. Hein. J'ai eu une sacrée bonne surprise, quelque chose que je m'attendais vraiment pas, mais elle m'a offert quelque chose. Offert? Et pas des moindres, puisque elle m'a offert une feuille de papier. À partir de bois ou une feuille de fleur des crimes? De bois. Eh ben, alors là, semblerait que ta chère mère commence à avoir des émotions pour toi, c'est incroyable. Je ne sais pas, elle a mis en avant le fait que c'était pour me récompenser d'être devenu métropolite et d'avoir réussi au moins quelque chose, quoi. Bon, après, ça n'a pas été une effusion de joie et de bonheur, hein. Ça a été toujours très froid, mais quand même. Ah non, mais c'est quand même, c'est quand même remarquable, hein, de sa part. Attention, elle pourrait même commencer à dire qu'elle t'aime. Hein. Oula, tu vas un peu vite, tonton. J'avoue que que lui éclate de rire, hein, à ce moment-là. Ouais, bah moi aussi, parce que c'est plus de la blague qu'autre chose, mais j'avoue que même moi, j'aurais du mal à l'apprécier également. Ça fait tellement longtemps que nous sommes en désaccord sur les principes même de notre vision du monde, que même si demain elle m'annonçait qu'elle m'aimait, je ne saurais pas quoi lui dire en retour. Ah, je comprends. J'ai jamais aimé ce côté-là de la famille qui prétend qu'on ne peut faire que de l'art et que le voyage serait quelque chose d'ingrat. C'est vrai. Mais ce qui m'exècre par-dessus tout, c'est cette vanité, ce sentiment de supériorité par rapport au reste des gens de Venise que je déteste. Hein, ça m'horripile. De par mon travail, j'ai eu l'occasion ces derniers temps de vraiment m'en rendre compte, de voir à quel point le ministère, tous ces gens puissants ne prêtent aucune attention aux petites gens. Ce ne sont que des corps bons à jeter dans les crimes, c'est tout. Tu serais pas... Enfin bon... tu serais pas métropolite toi-même, je commencerai à m'inquiéter de tes propos. Non, c'est je sûr, ne dis pas que je suis pas d'accord, mais je pense que c'est le genre de choses que tu ne peux pas exprimer à tes supérieurs, non? Bien sûr, mais tu le sais, hein, ça m'a déjà valu quelques soucis, des travaux d'intérêt, j'en ai fait quelques-uns. Hein, maintenant, j'essaye de rester dans le droit chemin. Même si intérieurement, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est tout. Enfin. Ouais, ouais. Et du coup, je voulais te poser une question, parce que voilà, la conversation va continuer, forcément. On va beaucoup parler de voyage, etc. T'aimes bien ton oncle pour ça, hein, ce qui te permet de voyager, même quand tu restes coincé à Venise. Du coup, moi, je voulais savoir, te demander à ce moment-là un peu ton ressenti, tes émotions, etc. Surtout vis-à-vis un peu du fait que ton oncle parle beaucoup de voyages, de choses comme ça, et voir comment toi tu le vis, parce que c'est vrai que malgré tout, t'es toujours resté à Venise, t'as encore jamais réussi à franchir les portes. Et je voulais savoir, en discutant, est-ce que chez toi ça t'évoque, justement une rage d'y arriver et de pouvoir sortir de là, ou au contraire une espèce de nostalgie d'être coincé je veux savoir un peu. Disons que y a quand même une certaine frustration parce que je me sens malgré tout un peu bloqué ici. Toute ma vie et de par les récits de mon oncle, j'ai rêvé de partir de Venise, d'aller parcourir le monde pour voir tous ces pays. Toutes ces traverses qui m'a raconté, qui m'a fait vivre un peu à travers lui. Et le fait d'être d'ici, c'est presque comme une prison. Enfin, je me sens un petit peu prisonnier de Venise. Donc quelque part, ça réveille un peu ce sentiment de frustration, d'être coincé et de tourner en rond en fait sur... dans une cage certes grande mais petite à la fois puisque à l'échelle du monde mais bon voilà je m'accroche à ce que je suis en train de faire, ces affaires qu'on est en train d'essayer de mener à bien, et surtout il procedimento qui nous tient à cœur. Ça aussi, ça me permet un peu de m'accrocher, de passer outre ma frustration. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai en discutant avec mon oncle. Parfait. Puisqu'on le souligne, je tiens à dire, je ne voulais pas dire nostalgie, mais mélancolie, et que mon cerveau a versé deux termes. Voilà. très bien, merci beaucoup pour ton récit, monsieur Victor. Et on va passer à Hugo. Hugo, je vais demander un petit jet de créativité et je veux savoir comment tu t'en sors. Eh bien, j'ai posté le résultat, donc j'avais fait. Enfin, bon, longtemps. J'avais fait 6. Ouf. Ouais. Ouf. C'est oui. Vraiment, vraiment compliqué pour Hugo en ce moment. Alors que le reste s'améliore vraiment. Et même que tu sens que tu deviens un peu plus doué en créativité, tu arrives à avoir des mécaniques de plus en plus fluides pour ramener des idées. Ce poème te prend la tête comme jamais. Vraiment, c'est un poème qui te ruine le moral. Et bah, comme tu l'avais dit, hein, tu avais bien fait de le prévoir un peu à l'avance, du coup, et à pouvoir appeler ta super amie l'absinthe pour t'aider dans la soirée. Et je passerai sous silence, du coup, les événements de la soirée, mais du coup, Hugo va aller un petit peu d'absinthe pour essayer de faire passer le temps, mais avec les échecs qui se cumulent, bon, ça sera peut-être une soirée compliquée. Revenons un dernier coup à notre petit dîner aux chandelles avec Kornilov qui la tient entre Esther et Abel. La conversation, comme je disais, tu vois, genre, c'est une conversation qui devient plus fluide, moins compliqué, et surtout tu sens que voilà, y a un message en fait bienveillant dans ce qu'il dit, et comme je te disais, qu'il a vraiment des remords et que il est sincèrement heureux de voir qu'aujourd'hui tu te portes bien. Et voilà, je voulais savoir toi du coup comment tu réagis un peu à ce message qui te fait prendre au fur et à mesure des conversations. J'imagine que j'écoute, c'est vrai que c'est plutôt sympa, ça permet peut-être de clôturer définitivement la page. Maintenant ça reste un feeling quand même assez compliqué, c'est quelqu'un qui malgré tout a quand même choisi les guildes, et en plus pas forcément les plus recommandables. J'aimerais surtout, au final je suis assez curieuse de savoir quelles sont vraiment ses intentions. Est-ce que c'est vraiment juste du coup de s'excuser dans l'idée de tourner la page, ou s'il a un truc spécial à me demander ou quoi. Mais en attendant, j'essaie aussi quand même de profiter du moment. C'est vrai que ça fait du bien aussi de se poser un petit peu pendant, surtout en ces temps difficiles. Donc, je ne dis pas non. Ok. Quand tu vas essayer de lui demander, soit directement, soit indirectement, ça dépend comment tu préfères gérer le truc. Genre, si comme lui, tu... Au fur et à mesure, peut-être un petit peu moins, ça dépend. Ouais. Ouais. Bah, tu vois que ouais, le message qu'il a passé, c'est qu'en gros, bah, c'est comme tu le dis, c'est surtout ça lui permet de tourner la page, et que en fait, il avait très peur au fur et à mesure, surtout en fin de soirée, tu vois, genre quand la fatigue commencera à venir, et que c'est un peu alcoolisé, il se livra un peu plus, et te dire que voilà, il avait juste très peur que son choix ait eu des conséquences négatives sur toi, et que il avait besoin de se rassurer. Et que juste voir de ses yeux que toi tu allais bien et que le passé pouvait rester dans le passé sans que ça fasse souffrir ni l'un ni l'autre, quoi. Dans ce cas-là, je lui montre les conséquences. Ok. Et voilà, c'est principalement ça de la soirée. Désolé pour Kornilov, du coup, qui sera posté à l'arrière-post et qui va du coup juste voir Esther discuter toute une soirée et s'alcooliser. Avec un autre homme. Juste une question, est-ce que Kornilov, tu commences à commander quelque chose ou tu restes là sur tes gardes, parce qu'on ne sait jamais. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, je prends au moins un verre de mon côté. À ce moment-là, je m'offusque. Je me trompe en criant, j'avais confiance en toi. Ok. Non, tu sais quoi, je pense même, je suis même du genre, je suis sûr que du coup ça change rien, mais je suis même du genre à aller demander un verre en passant volontairement t'es devant t'es bon, sans rien dire, t'es, sans même regarder, mais juste genre j'existe. Voilà. Ok. Eh bien, du coup, c'est ce que tu vas faire. Tu vas même passer un coup. Esther, tu vas pouvoir voir Kornilov aller se chercher un verre et s'asseoir. Et en réalité, eh bien, tu as eu parfaitement raison. Parce qu'effectivement, rien de spécial va se terminer. Puisque en fin de soirée, vraiment, genre début de nuit... il va finir par... Enfin, simplement, vous sentez que voilà, le moment commence à s'arrêter, qu'il faut mieux s'arrêter là que continuer à parler jusqu'à avoir un froid qui se réinstalle. Et vous allez pouvoir vous laisser plus ou moins en bonne entente, entre guillemets, mais disons, on s'en prend, quoi. Genre, sur le moment, se laisser en good feeling. Et Esther, tu vas pouvoir, du coup, rentrer avec Kornilov chez vous pour... À ce moment-là, bon, je m'excuse quand même en lui disant, bon, bah finalement, tout s'est bien passé, mais il y avait quand même un certain risque. Merci d'être passé. Si à l'occasion, tu as besoin d'un coup de main, quel qu'il soit, n'hésite pas. Est-ce que ça te dirait éventuellement, avant de rentrer, du coup, qu'on en profite, histoire de rentabiliser cette soirée, encore une fois, par passer soit au bar habituel, soit autre part? Oui, ou on peut aller. On peut y aller, oui. Parfait, au moins les armes serviront à quelque chose. Et du coup, je pense qu'on va aller au bar habituel, tirer sur quelques bouteilles et puis après quelques verres, dans cet ordre. Il y a quand même un moment où, dans une conversation de manière complètement random non orienté, je demande à Kornilov est-ce qu'il s'est déjà battu, est-ce qu'il a déjà fait des sports comme par exemple de la boxe ou des choses comme ça, des combats à main nue. Jamais trop de manière organisée, mais je me suis déjà un minimum battu, oui. Ok, c'était juste pour savoir, je me disais si jamais à l'occasion... je venais à me faire agresser ou autre par il procedimento ou n'importe qui, peut-être un membre d'une guide. Ce serait peut-être bien d'avoir quelques bases, quelques conseils sur comment se défendre face à un agresseur au corps. Oui, je pourrais me débrouiller. Moi, je suis beaucoup mieux avec une arme à feu dans les mains, mais voilà. Ok, bah écoute, à l'occasion, je te demanderai peut-être quelques conseils. Avec plaisir. Parfait. Comment ça va sinon en ce moment? Ça va assez bien. Nos enquêtes me prennent la tête, mais sinon, ça peut aller. Moi, on est plus tranquille que l'année dernière. Trop tranquille, peut-être. Oh, tu sais, en y regardant... de là où on est maintenant, je trouve que c'était pas si mal au final d'être dans le feu de l'action, d'avoir des choses à faire tout le temps, des choses intéressantes. Je sais pas, j'avoue que j'appréciais pas trop quand n'importe qui rentrait chez moi, malgré tous les verrous et tous les dispositifs de sécurité, sans que je sache encore aujourd'hui comment est-ce qu'il a pu faire à l'époque. T'as des gens à qui tu tiens qui étaient chez toi, qui risquaient d'avoir des problèmes à cause de cette enquête? Non, et toujours pas d'ailleurs. Bon, il n'y a pas besoin de s'en faire autant alors. Mais je sais pas si ça compte vraiment. Pas besoin de s'en faire autant du coup. C'est sûr. J'imagine que ça doit être vachement différent pour toi et que tu dois quand même avoir vachement peur pour ton mari. Je marque un temps d'arrêt, tu sais, où juste vraiment. Tu sais, je. Comme si je réfléchissais un peu en tapotant un peu le haut de ma pipe, là, comme ça. Oui, il sait se débrouiller après, quand il est à la maison de toute manière. Oui, c'est sûr. Et puis bon, voilà, là-dessus, j'imagine que les conversations vont se perdre au fur et à mesure. Je vais quand même revenir sur quelques événements. Je vous avais juste discuté comme ça. Lorsque vous êtes entré dans le bar du hurleur, Kornilov, tu as eu de grandes salutations, comme d'habitude, de la part de l'équipe derrière le comptoir. Hein. Je salue tout le monde d'un signe de la main à chaque fois, dès qu'il y a un signe comme ça, hop, hop, salut, salut. Et il y a notamment Rolando ce soir-là qui était présent, qui te saluera et juste sincèrement, genre sans, tu vois, genre sans arrière-truc, rien, tu vois, genre il te saluera, content de te voir. Par contre, alors que vous êtes en train de discuter, Kornilov, une personne va se joindre à votre table et te demandera, enfin, en arrivant, excusez-moi, Kornilov, c'est vous? Oui, supposé être moi. Chouette, depuis tant que je voulais vous rencontrer, mais on s'est déjà vu. Tu regardes la personne et il s'agit d'une jeune femme blonde. Et ses traits de visage te disent énormément quelque chose. Tu peux fouiller un peu dans ta mémoire. Elle a un air très familier, mais surtout, tu te souviens effectivement de l'avoir croisée il y a vraiment très peu de temps, puisqu'il s'agit d'aujourd'hui même. Hein. C'était la femme qui se faisait tatouer lorsque tu es parti voir. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Mario, c'était ça, c'était Mario. C'est Milo. Non, Non, mais. c'est un autre. Milo, c'est autre. Ouais. Ouais, mais Milo, c'est le Mario. photographe, Mario, c'est le tatoueur. Eh bien, est-ce que ça dérange si je m'installe avec vous? Mais pas du tout, pas du tout. Tu vois qu'elle s'assoit et commande un verre. Lorsqu'elle commande, tu vois que on lui demande pas de notes, etc. On lui ramène juste ce qu'on lui demande. Visiblement, elle doit être assez habituée pour pas qu'elle ait à régler immédiatement sa note. Ah, depuis tant que je voulais te rencontrer, enfin, excusez-moi, tu me présentes ton ami? Oui, je vous présente Esther, et Esther, je te présente Olga. Olga. Enchanté de vous connaître. Enchanté, tout de même. Mon père m'a beaucoup parlé de vous, et notamment de toi, Kornilov. Vous avez été d'une grande aide pour nous. Et ça fait plaisir de enfin pouvoir vous rencontrer. C'est tout naturel. Oui, alors excusez-moi, votre père qui est? Bien. Oleg! Évidemment. Olga. Et il vous a jamais parlé de moi? Oui, en effet, seulement je n'avais pas fait le lien. J'espère bien, sinon en plus ça doit être méga gênant. Je viens de débarquer comme si vous me connaissiez. Si. Non, vous inquiétez pas, je suis parfait, tout va bien. Ça me rassure, je suis désolé. Mon père m'a tellement parlé de vous, je pensais qu'il avait parlé un peu de moi, mais si tout va bien, tout va bien. Tu Tout va vois que bien. genre, elle rigole un peu en buvant, comprenant que la situation devient un peu gênante. Elle va tout simplement vous accompagner dans la soirée, sans non plus être invasive, hein, mais juste discuter avec vous. Elle posera pas mal de questions quand même à Kornilov, toute contente d'enfin le rencontrer. Elle a un peu cette curiosité-là. J'ai pas entendu si quelqu'un a dit quelque chose, je suis désolé. Thomas Nelbagel, ça. Mince, tu as découvert mon scénario, attends. et non, mais voilà, elle est juste toute contente et voilà, on parle tellement de toi en ce moment. Tu nous as tellement aidé, tout ça, donc c'est un grand plaisir. Elle t'offre même à boire, et du coup à Esther aussi, par politesse. Ne pas offrir à une seule personne sur deux, ça serait un peu malaisant. Donc voilà, du coup elle offre, et puis elle discute un peu avec vous, mais vous voyez, sans non plus être invasive, sans poser de questions genre vraiment personnelles ou quoi, mais juste voilà, comme quelqu'un qui aurait entendu parler de personnes depuis longtemps et qui peut enfin les rencontrer, du coup pose quelques questions. Et notamment, c'est la première occasion que vous avez de reparler un peu ce qui s'est passé il y a quelques teintes de ça, lorsque vous avez travaillé pour la première fois pour cette guilde, et que il y a eu des petites bagarres, ce genre de choses, et vous voyez que c'est principalement ça qu'elle connaît de vous, hein, c'est votre mission que vous avez fait pour la guilde du Hurleur, et donc... Voilà, elle pose un peu des questions, et donc c'est peut-être la première fois pour vous, vous pouvez raconter un peu ce qui s'est passé. Alors après, ce que vous racontez en détail, genre notamment le combat, notamment Esther qui bloque des gens dans des machines, des trucs comme ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, bon, vous savez qu'elle fait partie de la guilde, et que bon, voilà, elle se choquera pas pour rien, c'est à vous de voir exactement ce que vous racontez. Qu'importe, dans tous les cas, voilà, elle vient faire la conversation, elle est très contente de passer la soirée avec vous, et on va pouvoir clôturer la journée comme ça, avec un Hugo très éméché, frustré malheureusement, de ne pas pouvoir sortir son poème, avec un Victor frustré lui aussi, mais quand même heureux, c'est une espèce de bonne frustration, tu sais que c'est une frustration, parce que voilà, mais tu passes un bon moment avec ton oncle, donc c'est un mal pour un bien, et Esther et Kornilov, avec des sentiments sûrement très divers, parce que Esther vient de passer une soirée plutôt étrange, mais quand même avec un bon mood, un good feeling. Je n'ai pas les mots en français pour définir ça. Mood, c'est pas mal. Ouais. Bon sentiment. Ouais, avec un bon mood. Mais puis voilà, cette fin de soirée un peu plus tranquille, mais vous avez quand même pu passer du temps avec Kornilov. Mais oui, il y a eu cette fille qui s'est incrustée. Et Kornilov, je ne sais pas du tout, par contre, ce qu'il en est. Ouais. Moi, juste si je peux juste indiquer, ouais. C'est que vraiment j'ai énormément participé dans cette discussion qu'il y a eu ensuite. J'ai vraiment été très en train dans la discussion. Je pense même que sur le ton de la rigolade, j'ai même été faussement un peu charmeur, mais vraiment dans la rigolade, quelque chose qui cache rien ou quoi que ce soit. Ouais. Et je pense que même j'ai fait durer la discussion très longtemps. juste comme petite vengeance par rapport à cette soirée très longue que j'ai eue juste avant. Ok. Voilà. Ok. Écrime, ça devient un jeu de Dead Simulator avec qui fera durer le plus la personne qui tient aux chandelles. Je me fais offrir des verres parce que c'est mon anniversaire. Je vais voir le fan et je fais du problème. Honnêtement, vu que tes potes, en plus de Kornilov, on te laisse passer, on t'offre un verre. Parfait. Du coup, on va beaucoup boire. En tout cas, après cette soirée... Mon personnage revient déjà. Ensuite, je me fais offrir des verres pour mon ami. Pour être honnête, je crois que la seule personne qui finit sob cette soirée, c'est Victor. Hein. Visiblement, le reste est assez alcoolisé. Le lendemain, du coup, matin, vous retrouvez tous au QG comme d'habitude. Certains ont passé du coup de très courtes nuits suite à des discussions très tardives et notamment alcoolisées. D'autres ont pu quand même bien se reposer. Je pense que c'est notamment le cas d'Hugo et de Victor qui ont pu... Ah non, on me dit que Hugo s'est pris la tête toute la nuit. Donc non, mais Hugo, du coup, lui aussi... Donc vous êtes trois fatigués pour une personne en forme. Des conditions vraiment optimales de travail. Je pensais qu'avec l'alcool, Hugo serait couché un peu tôt, mais visiblement non, parce qu'il a quand même insisté pour essayer d'avancer sur le poème, donc Explosion de crâne, visiblement. Donc ouais, vous êtes trois un peu fatigués, malgré tout, hein, ça fait partie de votre quotidien. Enfin, ça vous gérez, vous êtes des adultes. Vous êtes là pour assurer quand même le lendemain, donc vous êtes quand même là au QG à l'heure le matin, vous retrouvez ensemble, vous prenez comme d'habitude un petit déjeuner. Hein, vous avez vraiment ce petit truc habituellement où voilà, vous faites vos petits déjeuners, vous discutez de ce que vous allez faire ensemble dans la journée. Et d'ailleurs, bah, pour une fois, je vous laisse faire cette conversation-là parce que ça vous permet de vous mettre d'accord sur la suite des événements. Pendant qu'on discute, j'y tiens. Kornilov, j'ai un petit quelque chose pour toi. C'est offert par le par mon oncle. Genre un. Alors je sais pas du coup. Est-ce que il y a des quel genre d'emballage je pourrais avoir? Parce que en gros, j'imagine que c'est pas un tissu. Enfin, j'imagine peut-être. Ouais, ouais, c'est ça, un petit pochon dans lequel okay. Ils sont. Donc je sors un petit pochon. Oh, voilà. Et je mets donc du coup sur la table et je dis tiens, regarde. Donc je te envoie le pochon dans ta direction. Dans ta direction. Alors je le glisse, je te le jette. D'accord, mais du coup je vais défaire donc le pochon, j'ai regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce sont des gros rats. Des... Un doigt. Alors porte. On t'a menti, c'est un doigt. Kornilov, tu sais ce que c'est qu'un radis, hein. C'est vrai que c'est un aliment qui se fait pas mal. Après, il faut avouer que c'est un peu plus un aliment des vies dans lequel on a tendance à faire des serres, à faire pousser qu'un aliment des traverses, mais forcément, tu connais parce que voilà, la famille va chercher ça, et puis elle cuisine avec, ça permet de varier de la mousse, etc. Et puis ça coûte pas si cher que ça. Il en reste que, moi j'ai qu'une question, parce que c'est à toi que décide le choix, est-ce que Kornilov sait cuisiner du radis ou pas? Je pense un minimum quand même, parce qu'il a quand même vécu un certain temps au pays. Ouais, bah, après il pourrait très bien ne pas savoir cuisiner. il sait quand même se débrouiller par lui-même. Ok. Ok, bah du coup, bah, t'es quand même assez content, parce que tu retrouves un aliment que ça fait très longtemps que t'as pas mangé, parce que c'est vrai qu'à Venise, les gros radis, les petits radis existent, mais les gros radis vraiment, genre radis noirs, vous voyez, le truc vraiment massif, se font beaucoup plus rares et beaucoup plus chers. Du coup, t'es quand même content de retrouver ça et tu connais deux, trois recettes familiales que tes grands-mères t'ont apprises sur lesquelles tu penses pouvoir surprendre un peu tes collègues voilà. Lors d'un repas. Ça nous changera de la bousse. Ah, mais ça, avec ça, je peux déjà vous assurer que vous vous en voudrez plus jamais de ma mousse après avoir goûté ce que je vais vous faire avec ça. Eh bien, je n'attends que ça. J'avoue que c'est un peu pour ça que je les ai ramenés. Mais non, bon. Je sais pas comment le prendre. Mais... Non, ta mousse était bonne, mais voilà, mon oncle nous a cuisiné donc à la lansquaise. Maintenant, je me dis que c'était tout à fait, enfin c'était très très bon. Je me dis que si tu t'en occupes, lansquaise de souche, oui. J'attends à ce que retrouver la même chose, donc... Ah bah oui, voilà. Et ça, vous inquiétez pas, même plus que du lansqué, je vais vous le faire au lansqué des traverses, donc ça va être le terroir du terroir. Ok. Ben, c'est parfait. Bon, sinon, comment a été votre... Comment se sont passées vos soirées? Vous avez des petites mines, aujourd'hui. Ah, ouais... Non, c'était bien. Waouh! Ok! Et toi, Hugo, t'as l'air. Tu fais pâle figure, enfin, t'étais tout pâle, tout creux, et ça a été dur hier soir? Tu t'en sors avec ce poème? Tu ne serais pas capable de comprendre. En tout cas, ça a l'air de te miner. Fais attention quand même, abuse pas trop. Bon bah je vois que vous êtes tous très très motivé, très énergique aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va avoir une sacrée journée hein, avec les infos qu'on a trouvées hier. À savoir qu'il va falloir qu'on essaye de, eh ben, dans un premier temps, de retrouver, de rencontrer Alceo pour qu'il puisse se renseigner sur le légiste qu'on avait croisé pendant notre affaire. Essayer de voir s'il pourrait pas nous renseigner sur cette maladie et voir si c'est possible d'être en forme une semaine avant de mourir. Ensuite, on a d'aller voir la petite du théâtre pour voir pour creuser un petit peu les liens entre Azinati et eux. Ils avaient l'air d'être assez proches. Donc je pense qu'on a pas mal de boulot. Donc hop hop hop, un peu d'énergie, voyons. Oui. Eh ben, allons-y alors, j'imagine. Bah allons-y. Ok. Quelle est votre première étape? Le légiste s'imagine, j'imagine, ça nous fera toujours plus de questions à poser après plus tard si on a des infos avec le légiste. Ok. Donc, l'idée pour avoir l'information du légiste, c'est quoi? Excusez-moi, j'ai pas tout. Il faut aller voir Alceo pour qu'il puisse creuser, enfin trouver le nom pour nous, puisqu'on l'a pas, on a rien demandé. Donc, j'imagine que lui doit avoir accès aux informations, étant donné qu'il okay. avait l'air d'avoir le bras long. Ok, ok. Eh bien, vous allez voir Alceo. Le temps de trajet, c'est le temps que cette petite musique change. À bicyclette. À bicyclette. La bicyclette. Outil très pratique de déplacement dans lequel vous allez faire votre trajet, du coup, en un court instant. On remercie d'ailleurs les améliorations d'Esther qui vous permettent de vous déplacer plus facilement à travers les escaliers et ce genre d'endroit où il faudrait porter le vélo, maintenant qu'il est pliable. Quoi qu'il en soit, vous arrivez du coup vous arrivez au bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande dans lequel se trouve le bureau d'Alceo. Dans ce bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande, vous rentrez, maintenant vous avez un peu moins besoin de vous annoncer que d'habitude. Vous demandez à Alceo, vous répond qu'il est effectivement présent. Et vous pouvez monter à l'étage pour aller le voir. Vous décidez du coup de monter à l'étage pour aller le voir. Et vous arrivez à son bureau. Il est, vous voyez, en pleine réflexion, en train de gérer énormément de documents. Il a des disques, dont un qui est en train de tourner. Et plein de plaques de cuivre, des plaques aussi de cire. Il a absolument énormément de plaques devant lui. Il est en train de gérer énormément d'informations, et quand vous rentrez, vous reconnaissez la voix actuellement qui tourne sur son disque, puisqu'il s'agit de la voix de l'un d'entre vous, de la personne qui avait fait le rapport suite à votre confrontation avec Il Procedimento. Je ne sais pas qui a fait le rapport, donc je vous demande là, vous savez qui s'est occupé principalement, même si vous le faites ensemble, il y a une personne qui sert de rapporteuse. Qui a fait le rapport d'ailleurs? D'habitude, dans votre groupe, qui s'occupe de faire les rapports auprès du bâtiment institutionnel, du ministère Propagande? Est-ce que vous avez un... Eh bien, je pense que, étant donné que je suis celui qui a le plus l'habitude d'enregistrer notamment des disques, je pense que si on parle bien de rapport sur les disques, je pense que c'est moi qui m'en occupe. Ok. Et bien dans ce cas, c'est la voix de Hugo qui résonne et qui en fait est actuellement le rapport. Vous reconnaissez en quelques mots, même si le disque va être rapidement interrompu quand vous rentrez, qui est le rapport tout simplement que vous avez fait suite à votre confrontation avec Il Procedimento. Vous rentrez dans le bureau, Immédiatement, vous voyez que Alceo sort de ses pensées, retire simplement la petite, j'ai oublié comment on appelle ça, mais le petit truc qui permet de lire, hein, tout simplement, les disques, vous savez, c'est le truc là, qui permet de lire, la tige, le bras, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah non, d'accord. Oh. Enfin bref, ouais, juste le... Je sais pas comment on appelle ça exactement cette partie-là, mais on va appeler ça un bras. Donc en gros, il retire le bras et se lève à votre venue, faisant tomber une ou deux plaques qui étaient sur lui. Messieurs. Comment va votre visite? Excusez-nous, c'est vrai que... Je ne savais pas si c'était pour nous ou pour quelqu'un d'autre, mais en fait, on vient vous voir parce qu'on on a besoin de votre aide, toujours pour l'affaire de Maria Zinati. On aimerait savoir si c'était possible de retrouver le nom du médecin légiste qui avait travaillé sur l'affaire Lupo Dall'Attilio. Ouais, c'est pas un problème. Il s'appelle Romano Guessou. Romano Guessou. Ouais, j'ai le rapport juste là, vous voyez, qui se tourne et prend une des plaques et sur son bureau. Non, c'est pas celle-là, il en prend une autre. Oui, voilà, c'est bien ça, le scientiste qui est venu vous voir, scientiste chirurgien, c'est ça, Romano Guessou. D'accord. Et vous savez si en ce moment il est sur une affaire ou on peut le rencontrer facilement? Ah bah vous savez, il travaille un peu ci et là. C'est pas un membre du ministère directement interne, mais il vient dès qu'on lui demande. Donc je peux lui faire parvenir une demande et il se ramènera le plus rapidement possible. Ah, ce serait vraiment très appréciable parce que on pense que son diagnostic, enfin si je peux dire ça comme ça, pourrait nous être très utile en ce qui concerne l'affaire Asinati. Ok, vous voyez qu'il traverse la pièce, toujours dans sa main 3-4 plaques de cire, et ouvre la porte si vous l'avez refermée derrière vous, sinon passe juste sa tête à travers le cadran de la porte et hurle rapidement « Quelqu'un peut ramener Romano ? On en a besoin, s'il est dans le coin, normalement on devait se voir cet après-midi. » Et vous voyez qu'il revient vers vous. Oh, s'il est en avance, vous pourrez le voir. Maintenant. C'est parfait, merci, merci à vous. Du coup, peut-être, je regarde les autres, peut-être qu'on pourrait en profiter pour faire un petit bilan de la situation où on en est à l'heure actuelle. Kornilov, non? Oui. Vous êtes tout pâle. Prenez des fruits, je sais pas. écoutez... Un radis. Ouais, prenez un radis, ouais. Écoutez, du coup, on va en profiter en attendant que Romano Guessou arrive. Alors, nous avons un petit peu... gratté, on va dire... en ce qui concerne l'affaire Asinati, sur des petits points qui nous ont chiffonnés. Alors, comme vous le savez, on a pas eu l'occasion de voir le corps puisqu'il a été emmené et aujourd'hui il est dans les crimes. Donc on n'a pas vraiment su réellement comment et pourquoi elle est morte. Seulement, après avoir rencontré certains de ses proches, notamment des collègues de travail, ils avaient l'air de dire que Maria Asinati était plutôt en forme, ne serait-ce qu'une semaine avant de décéder de Stizy, ce qui pourrait être quand même assez surprenant, en sachant que la Stizy est assez... c'est assez dur en termes de symptômes et de... c'est ce qui nous a un petit peu chiffonné par rapport à... aux autres. Et puis il s'est avéré que en discutant avec toujours ces mêmes collègues que Maria entretenait des relations assez proches en ce qui concerne la victime d'Il Procedimento Fotus, et que il était même dit que c'était son meilleur ami et que depuis sa mort, eh bien, elle avait changé. Quelque chose avait changé chez elle. Du coup, il y a pas mal de zones d'ombre sur sa mort à elle aussi, qu'on aimerait un peu creuser. Voilà. Vous savez tout. Bien. Par rapport au poème de la Veridici, vous êtes décidé de quelque chose? Ah bah disons que... Eh bien, nous sommes attelés plus vite à la rédaction d'un contre-poème, un texte que nous publierons ce même arbre où le dissident prend l'habitude de poser dans ses écrits subversifs, et nous comptons l'empêcher d'occuper l'espace public avec, excusez-moi, j'ai légèrement mal à la tête, donc oui, nous comptons l'empêcher d'occuper cet espace public avec ses écrits subversifs, et nous avons pour cela pour commencer, marqué le coup une feuille de papier véritable grâce à un mécène, si j'ai bien compris, plutôt une mécène, et nous coûtons, enfin, voilà, dès que nous l'aurons en notre possession, que le poème sera prêt, nous pourrons l'afficher, et nous espérons que les effets seront complètement immédiats, et que je pensais peut-être installer une surveillance si jamais nous en avions les besoins pour essayer de surprendre la vérité si jamais il venait à reposer un nouveau poème. Mais je ne sais pas si cela s'est bruité, bien sûr. Je n'en ai pas parlé au reste du groupe encore, mais je pense que je vous soumets cette idée. Peut-être pouvez-vous affecter quelques gendarmes à la surveillance de cet arbre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. C'est une idée, c'est bien que vous en sachiez. Si jamais vous sentez un moment dépassé par les événements, n'hésitez pas à vous remettre à nos supérieurs. Malgré tout, vous êtes soutenu par toutes les hiérarchies, même si pour l'instant vous agissez seul. Ne tirez pas la poudre aux albâtres si vous êtes acculé, n'hésitez pas à faire appel à nous. C'est une bonne idée, je vais voir s'il est possible de contacter des gendarmes afin qu'ils puissent surveiller un peu les affaires. Il y a de fortes chances que la personne qui colle le poème ne soit pas la Veridici en personne, mais ça resterait déjà une bonne première piste, puisqu'elle serait forcément en contact avec la Veridici. C'est une bonne chose, je suis fier de vous. J'ai une question à vous poser, et au moment où il prononce ces mots... vous voyez, un vieux monsieur rentré dans la salle. Le monsieur, vous le reconnaissez, hein, puisqu'il s'agit toujours du même scientiste que la première fois. Et il a toujours ce petit appareil. Alors là, non pas sur l'œil, il est au niveau du front, prêt à être baissé, mais il a sa tenue, ce petit appareil là qui lui sert de lunettes et rentre dans la salle. On m'a demandé. Bonjour monsieur Roman Oguessou, ça fait plaisir de vous revoir, comment allez-vous ? Ah, je suis très ravi de vous revoir aussi, vous êtes, dites rien, j'essaie de souvenir de mes collaborateurs, le QG Indigo, c'est ça ? Bien vu ! Génial, mmh. Voilà. C'est un plaisir de travailler avec vous. Vous, ah ben, bah, de même. De quelque chose, hein. Bah, effectivement, on vous a fait mander puisque nous aurions besoin de vos lumières sur un cas bien précis. Voilà, on travaille sur une affaire où une personne est décédée a priori de phtisie. Et on aimerait savoir, selon vous, s'il est possible qu'une personne... qui est atteinte de phtisie puisse une semaine avant sa mort être en bonne santé et avec un teint hâlé et jovial, enfin tout ce qu'il y a, quoi. Voilà. Que les probabilités soient faites, mais la plupart du temps, c'est très très rare. C'est une maladie qui ronge, hein. C'est pas une maladie qui est fatale de manière instantanée. Ce qui est fatal, c'est qu'elle fatigue, c'est qu'elle prend vraiment les ressources du corps et finit par simplement affaiblir beaucoup trop la personne jusqu'à la mort. Hein. Puisque... on a besoin de respirer quand même, et donc avoir des problèmes de difficultés respiratoires, bah, ça nous affaiblit. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Je pense que ça peut arriver sur un cas vraiment très très rare d'une personne dans une certaine condition, mais ça m'a pas l'air... morte sûrement d'autre chose, mais de la phtisie même, si on en meurt, ce n'est en tout cas rarement aussi rapide si on a une régénérescence, une période positive. Il faut d'abord une grosse rechute pour que la maladie se soit mortelle et un peu plus de temps, je pense. Là, donc, selon vous, il est probablement... c'est très peu probable qu'une personne puisse être en bonne santé une semaine avant de mourir de phtisie. Oui. Pas impossible, hein, comme d'habitude. Oui, j'ai bien dit ça. Peu probable. Très peu probable. Mais, ouais, effectivement, très peu probable. Ce sont mes mots. Un cas sur combien, vous diriez ? Ah, c'est difficile à dire. Je pense que si on parle de personnes de haute société, le cas serait un tout petit peu plus probable, genre... une personne sur 1000, mais pour les personnes, par contre, de basse condition, comme il est plus difficile d'accéder à des soins, tout simplement un cadre plus tranquille, permettant de respirer un air plus pur, je pense qu'on passe facilement à un cas sur 10 000, voire beaucoup plus. Ce sont que des estimations, il n'y a rien de, okay, de probabilité fixe dedans. Parfait. Oui, parce que, en effet, l'affaire sur laquelle nous sommes concerne une personne qui vit en le bas de Venise, qui a d'ailleurs... voilà. Si donc... cette personne vit dans des conditions plutôt, plutôt faibles, plutôt lustres, je pense que y a très très peu de chances que cela arrive. Ça me semble même... Je ne pense pas que l'impossible soit un bon mot, mais on y approcherait beaucoup. D'accord. C'est vous d'ailleurs ou pas qui vous êtes occupé de Madame Asinasi ? Non, ce nom ne me dit rien. D'accord. Vous savez si l'un de vos collègues se serait occupé d'une femme qui serait morte de phtisie récemment? Ça date d'une semaine à peu près. Hein. C'est très rare qu'on appelle un scientiste chirurgien pour une phtisie. Le dernier cas où on a fait appel, c'est parce qu'il s'agissait d'une personnalité influente, Madame Baletti, mais ça me semble bien étrange qu'on ait fait appel à l'un d'entre nous pour une personne de faible santé. Bah, a priori, c'est selon nos informations, ça a été le cas. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons été mis sur l'affaire, parce que... Je peux demander, mais vous savez, nous ne sommes pas nombreux à Venise à pratiquer sa cuité. Hein. Nous avons d'ailleurs un certain nombre, hein. Nous n'avons pas le droit d'être trop nombreux à être formés, parce que la chirurgie doit être pratiquée, l'autopsie, vraiment, qu'à des cas rares et autorisée... notamment par vous. Oui. Par conséquent, nous sommes qu'une dizaine. Je connais tous mes collègues et je pense que vraiment intervenir sur une phtisie d'une faible personne me semble très très étrange. Il faut une demande pour qu'on vienne ouvrir un corps. Mm-hmm. Cette demande doit être faite par une personne qui représente déjà une certaine autorité. Et à partir de là, nous, on intervient. Mais c'est-à-dire que normalement, il doit avoir une demande externe qui appelle l'un d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Bien sûr. Je pense être au courant. Et puis, si cette personne aurait une importance, je comprendrais qu'on ait fait appel à nous. Mais vous me parlez d'une personne de Basseville. Alors, je pense que ces personnes sont toutes importantes qu'une autre. Mais on sait comment fonctionne la hiérarchie. Je comprends bien totalement bien vos choix, mais... Je trouve ça très étonnant ce que vous me racontez là. Qu'est-ce que... Pardon, je me permets de couper la parole. Victor, bien sûr. Vous souvenez-vous de l'affaire Baletti? Ah, c'est une affaire qui est une légende parmi nous. Parce que nous sommes dans un cas un peu identique. C'est-à-dire qu'il y a eu une autopsie qui a été effectuée sur un médecin qui était tenu secret. Sur ce que nous comprenons, Madame Baletti étant tellement influente, elle devait avoir son médecin attitré, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Et on sait juste que... on ne sait pas en fait qui a effectué cette autopsie, et pire, hein, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'une d'entre nous dans l'équipe? Est-ce que c'est une personne qui est partie? On n'en sait rien. Et puis, il y a tellement de légendes aujourd'hui traînées un peu dans des bars le soir. On entend encore parler de cette affaire et les gens racontent des choses. On raconte que Baletti, en fait, ne serait jamais morte. C'est une histoire pour sortir avec l'amour de sa vie qui était son demi-frère. Il y a plein d'histoires comme ça. On raconte plein de choses sur cette affaire et je pense que c'est une des événements majeurs qu'on ait connu avec la fin de la guerre de ces dernières années, quoi. Tu as fini? Oui, c'est tout pour moi, merci. Du coup, je voulais vous poser la question, puisque vous avez l'air de dire que vous êtes très peu de personnes à pouvoir faire ce genre d'autopsie. Est-ce que vous concertez régulièrement? Vous avez le... Oui, nous sommes réunis sous une loge, comme tout métier demandant un savoir. Et la loge nous réunit deux fois par lune afin de qu'on mette en avant nos avancées. Parce que vous savez, à l'intérieur du corps humain, c'est tout nouveau. Hein. Jusqu'à présent, on avait très peu le droit d'y toucher. Nous avons le privilège incroyable d'avoir droit de l'étudier de l'intérieur, et ce de manière légale. Et donc, voilà, on a des réunions avec les loges, et donc on travaille vraiment tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une unité. Alors après, il existe un affreux marché noir de ce domaine, mais c'est un marché qui est très difficile déjà à trouver, hein, puisque il faut des personnes qui ont des compétences. Alors peut-être, je ne sais pas, que c'est facile à trouver, que la moitié vous feront n'importe quoi avec votre corps, mais nous, en tout cas, de manière légale, on a vraiment un contact très fort entre nous, parce que nous sommes là pour faire avancer la science dans les limites, bien entendu, qu'elle doit avancer. Donc, du coup, si vous avez l'occasion de voir régulièrement, est-ce que depuis une semaine, peut-être que je vous demande beaucoup, hein, mais vous avez peut-être perdu plus de nouvelles d'un de vos confrères qui ne donnerait plus signe de vie. La dernière réunion était il y a 5 jours de cela. Je ne sais pas du coup sur quoi ça comme une semaine, mais il y a 5 jours, nous étions tous là. Tous là, d'accord. Et vous pourriez peut-être vous renseigner autour de vous pour savoir si vous êtes toujours tous là. Je peux demander à la loge, alors ça va demander peut-être un jour ou deux le temps qu'elle recense tout le monde, hein, parce que nous vivons pas tous au même endroit. Ouais. Mais je peux demander à ma loge si l'ordre vient de Métropolite, il n'y aura pas de problème pour cela. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Ça pourrait être intéressant peut-être. On ne sait jamais. On essaye d'explorer toutes les pistes. Je comprends. Ouais. Je sais pas, Kornilov, Hugo. Oui, une chose. La dernière fois que nous sommes croisés, c'était pour une affaire de poison. Mm-hmm. Est-ce que vous sauriez s'il n'existerait pas par hasard un poison ou un quelconque produit qui laisserait le corps dans un état semblable à celui d'une, j'ai oublié le nom de cette maladie. Phtisie. Eh bien, je parcours ma mémoire et cela dépend de qui vous voulez tromper, je pense. Tromper des gens de manière externe, oui, les poisons peuvent venir toucher tout ce qui touche à la respiration. De manière interne, je pense que les effets seraient différents. Je dois vous avouer, n'être jamais tombé face à un tel poison, mais s'il existe, il me semble compliqué de vraiment reproduire, vous savez, ces caillots, ces genres de choses qui sont produites par la phtisie. Ça me semble hors de portée, là, comme ça, d'un poison. Maintenant, je ne connais pas tous les poisons du monde, même si j'en ai une spécialité, mais je ne suis pas non plus connaisseur d'absolument tout ce qui peut exister. Quelqu'un de très ingénieux pourrait très bien me surprendre. Mmh. Mmh. D'accord. J'ai pas d'autres questions pour ma part. Pas de questions, je pense. Très bien. Voyant que ça se termine, Alceo reprend la parole et demande à Romano de sortir. Ce que fait directement le vieil homme. Je remercie, au passage, quand même. Ah oui, il vous salue, il sort en tout temps bonne forme, vous salue chacun. Pardon, je viens de lire le message de Victor. c'est marrant, dès que j'introduis un personnage, mais c'est le troisième temps. Ce qui fait que là, ce soir, il y a déjà eu deux Il Procedimento différents. J'ai hâte d'être à la fin de la geste. Vous avez une liste comme ça de suspects. Oui, du coup, Alceo vous sort de là, pardon, excusez-moi. Et enfin, non, sort Romano de là. Et du coup, on reprend la conversation, fermant la porte derrière Romano. Et se tourne vers vous. Comme je disais, j'ai une question. Je relis actuellement un peu ce que vous avez déclaré. Et bien des choses me semblent surprenantes. Alors, je vais vous poser une première question. Le jour où vous avez affronté le procedimento, comme c'était une journée de gala, de salon, avez-vous consommé la moindre substance tel que de l'alcool ou quelque chose du genre? Pas du tout. Non. Très bien. Dans ce cas-là, tout ce qui figure sur votre rapport Ah non, surtout pas. Comment oser. Très bien. Parce que même si votre rapport a été plutôt concis, il y a quelques informations où j'ai pu acquérir connaissance grâce à quelques témoins. Et je viens d'être sûr de ce que vous avez vu. Il me semble qu'il y avait une histoire de brouillard très épais, de bruit. C'est cela, mais si ma mémoire est bonne, Cornilla, vous avez été attiré par d'autres personnes lorsque malheureusement oui. Victor s'est retrouvé seul du coup dans le tram. En effet, il y a eu un bruit qui m'a attiré vers la foule, a priori il s'agissait d'un coup de feu. Donc j'ai essayé de trouver la personne à l'origine de ce coup de feu, ce qui a permis à Procedimento, a priori, de rentrer dans le véhicule avec Victor et notre cher Clint. Je n'ai pas trouvé qui était à l'origine du coup de feu. Il y a d'autres choses bien étranges. Je pense qu'il serait intéressant que vous réétudiez un peu ce que vous avez vécu ce jour-là. Je sais que ça n'a pas dû être simple et que vous a fallu un temps de repos pour vous en remettre, mais je pense que ce serait bénéfique. Comprenez ma question, on doit comprendre à qui on doit faire, à qui on a affaire. Il y a une chose en fait que j'aimerais éclaircir, parce que cela changera absolument tout pour vous. Parce que, selon la réponse, vous vous préparez différemment et vous aurez d'autres informations en tête. On doit savoir si cet homme est un homme ou un monstre. Si il a contracté le moindre probabilité qui soit un de ces céphales, cela peut le rendre très dangereux. Ce qui expliquerait peut-être des choses sur les difficultés que vous avez eues à le dominer, mais si c'est un monstre, on sait aussi que du coup c'est un homme affaibli et qui continuera de s'affaiblir avec le temps. C'est une maladie qui vous détruit. Qui vous déforme. Comprenez que si vous cherchez juste un tueur en série, ça peut être n'importe qui parmi nous, si vous cherchez un de ces monstres, vous pouvez chercher une gueule cassée, quelqu'un qui a vraiment de grandes déformations. Ça change tout en termes... Je vous demanderai d'être, dans les prochains jours, très concentré. Réfléchissez à ce que vous avez vécu. Et essayez de m'apporter cette réponse. Est-ce un homme ? Ou un monstre. Cela changera énormément de choses pour votre enquête.